Mosaïque. Bienvenue, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. L'émission, c'est Mosaïque, votre émission qui vous donne différents points de vue sur l'actualité. Vous êtes nombreux à se demander le sujet qui va être débattu dans votre émission, notre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Le sujet porte sur la politique. Le président de la République vient de nommer 15 membres composant la Commission nationale chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution. C'était le vendredi 12 mai. Quelques heures après la remise du rapport de la Commission nationale du dialogue inter-burundais. Lors de la remise du rapport, le président de la Commission nationale du dialogue inter-burundais à la personne de Monseigneur Justin Ndayisaba, il a indiqué que parmi les propositions majeures ressortissant du dialogue inter-burundais à l'intérieur figure celle d'amender la Constitution et la suppression des mandats présidentiels. Si le président de la République s'est référé sur le rapport de la CNDI pour mettre sur pied cette commission, quelle sera la place et l'importance des résultats du dialogue piloté par la facilitation sous-régionale? Y a-t-il un impératif aujourd'hui pour amender la Constitution? Si tel est le cas, quand faut-il le faire et comment procéder? Que faut-il faire pour que l'amendement de la Constitution puisse rassurer tout le monde? Ce sont les quelques questions sur lesquelles nos invités vont apporter leur contribution dans cette émission Mosaïque d'aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Madame Evelyne Manilagaba, conseillère à la première vice-présidence chargée des questions politiques et diplomatiques. Bienvenue dans notre émission, Madame. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonjour à nos auditeurs. Nous sommes également avec Honorable Festus Nhanyungu, secrétaire exécutif de la Commission nationale du dialogue inter-burundais. Bienvenue sur ce plateau de la radio Isanganiro, Honorable. Et merci de nous avoir invités. Nous sommes également avec Honorable Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero y'Abarundi. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes également avec Faustin Dikoumana, il est président de l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM. Bienvenue sur ce plateau de l'émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Alida Ndaikeza est à la réalisation, Eric Wimana assis la mise en onde, Charles Makoto, je suis à la présentation de cette émission. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, ma première question s'adresse à Madame Evelyne Manilagaba. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un impératif de changer la Constitution? Merci pour la question. Je vais répondre par un oui. Je dirais même que l'impératif n'est pas seulement aujourd'hui. Nous avions cet impératif il y a quelques années. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Vous savez, on avait essayé en 2013. Alors, chaque fois, il y a des gens qui disent que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Finalement, le bon moment, c'est qui le décide? C'est le peuple burundais. Alors, je vais répondre par oui. Il est grand temps de réviser, je dirais réviser la Constitution pour multiples raisons. Parce que, vous savez, la Constitution qui avait été adoptée en 2005, aujourd'hui, on est en 2017. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Alors, il y a une nécessité de mettre à jour certaines informations. Et comment procéder justement pour changer cette constitution? La constitution elle-même prévoit une partie qui prévoit de cette clause de révision. Alors, la constitution prévoit qu'en cas de nécessité, si les Burundais, le peuple burundais lui-même s'entend très bien et qu'il y a un consensus, on peut modifier la Constitution. Donc, ça peut passer soit par un référendum ou soit par l'adoption au Parlement. Cette nécessité d'amender la Constitution, le peuple burundais, actuellement, je dirais qu'il l'a exprimé. Nous l'avons vu durant les différents ateliers qui ont été menés par la Commission nationale du dialogue interne. Nous l'avons aussi remarqué lorsque les leaders politiques se sont rencontrés à Gitega. Ils ont tous émis ce souhait que la constitution du Burundi soit révisée. Alors, il y a cette opinion, c'est son consensus. Le reste, c'est des démarches techniques qui sont prévues par la constitution elle-même. Aujourd'hui, la commission a été mise sur pied, mais également, il y a le dialogue inter-burundais qui se poursuit à l'extérieur du pays. Quel sera le sort des clauses qui sortiront du dialogue externe piloté par la sous-région? Merci pour la question, parce que premièrement, j'aimerais clarifier quelque chose, c'est que l'amendement de la Constitution est un acte purement souverain. C'est un acte qui concerne les Burundais eux-mêmes. Mm-hmm. Il n'y a aucun étranger qui peut intervenir dans ce processus. Donc, d'ores et déjà, il ne faudrait pas comparer les deux processus. Le processus de dialogue qui est facilité par Mukapa à Arusha continue. Le gouvernement du Burundi, avec certaines conditions, accepter de poursuivre le dialogue, il continue, mais ça n'a rien à voir avec notre constitution. Même le facilitateur avait dit que maintenant, sa mission principale, c'est d'aider les Burundais pour que les élections de 2020 se passent dans un environnement serein et que tout le monde soit inclus. Mais pour ce qui est de la constitution, c'est vraiment purement burundais. Et ce n'est pas le premier pays qui fait ça. Il y a beaucoup de pays africains, je donnerai l'exemple du Tchad, je donnerai l'exemple de notre voisin ici, le Rwanda, la Guinée, et même des pays, la Belgique, du monde entier. Chaque pays a le droit de faire la modification ou la révision de la constitution. Oui, nous comprenons par là que vous parlez justement d'un acte souverain, mais le Burundi étant un pays de la communauté est-africaine, un pays qui vient de traverser une certaine crise politique et sociale, est-ce que la région n'a pas son mot à dire justement pour que le Burundi puisse marcher d'une manière consensuelle, d'une manière stable? Ce qu'on remarque quand le pays, un peuple, décide de modifier ou d'amender sa constitution, on ne consulte pas les étrangers. Ce n'est pas la communauté est-africaine, ce n'est pas la communauté européenne, ce n'est pas les Nations Unies qui vont s'exprimer. Ils peuvent donner leur point de vue, mais le Burundi se base uniquement sur la volonté du peuple burundais. Mais quand nous parlons du dialogue justement qui se passe à l'extérieur du pays, ce n'est pas un dialogue entre Burundais et étrangers. Il s'agit d'un dialogue entre les Burundais qui sont à l'intérieur du pays et les Burundais qui sont à l'extérieur du pays pour des raisons bien connu. Est-ce que dire qu'il s'agirait d'un point de vue des étrangers ne serait pas trop dire? Non, en fait, je répondais à la question dont vous parliez de si la communauté est-africaine avait quelque chose à dire sur notre constitution. Ouais. Ça, c'est clair, c'est le peuple burundais. Mais j'aimerais rappeler que la Commission nationale pour le dialogue interne, la CNDI, avait aussi fait des séances à l'extérieur du pays. Les Burundais dans la diaspora se sont aussi exprimés sur beaucoup de sujets, les mêmes que les Burundais à l'interne. Alors, ils ne sont pas exclus, les Burundais qui sont à l'extérieur du pays. Donc, pour vous, les points de vue des uns des autres, de ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, sont représentés dans le rapport qu'a émis la Commission? Absolument, puisqu'ils ont fait des déplacements à l'extérieur, qu'ils ont pu aussi avoir les opinions des Burundais vivant à l'extérieur. Honorable Festus Nhanyungu, vous étiez secrétaire exécutif de la Commission nationale du dialogue inter-burundais. Vous avez participer dans le recueil des différents points de vue de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, séance que vous avez recueillie, y a-t-il un impératif pour la modification de la Constitution? L'impératif se trouve dans la situation dans laquelle se trouve notre pays vu au regard de ce qui s'est passé en 2015. Parce que la Commission n'aurait peut-être pas été mise en place s'il n'y avait pas eu ce qu'on avait en 2015. Étant donné donc ce qui a suivi toute la situation qu'il y a aujourd'hui, et pour aller jusqu'aux racines, pour éviter que ce que nous avons vu en 2015, il y a toute une série de problèmes et que la modification, l'amendement de la Convention devra donc confronter et trouver donc des formulations correctes qui mettent la stabilité et donc du pays dans la loi. Donc il faut que la constitution mette des articles, contienne des articles qui empêchent que désormais il y ait quelqu'un qui puisse perturber les élections d'une façon ou d'une autre pour des intérêts des gens extérieurs. Donc la modification de la constitution a beaucoup de motivations que je ne peux pas démontrer aujourd'hui même, mais comme ça, in situ. Non, ça demande que l'ensemble de tous ces problèmes pour gouverner le pays, c'est-à-dire que c'est la constitution qui doit dire ça se fait comme ceci, ça se fait comme ça, comme ça. Les élections à venir devraient être correctes, qu'on entende des débats qui conduisent. Honorable, si j'ai bien compris, la modification de la constitution aujourd'hui serait motivée par l'ensemble des questions qui ont entraîner, qui entre le pays, mais également le paroxysme de 2015. Honorable, nous avons vu qu'il y a eu tentative de modification de la constitution à la veille des élections de 2015, une tentative qui n'a pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui, où se situe justement cet impératif? Si la modification n'a pas pu avoir lieu à ce moment-là d'abord, j'étais là, j'étais à l'Assemblée nationale. Ce sont des calculs politicien qui a empêché la modification de la constitution. Est-ce que ce ne serait pas ces calculs politiciens qui aujourd'hui motivent cette modification? Quand vous avez modifié tous les articles qui concernent le pays et son avenir pour l'éternité, quand il s'agit d'aller dans le préambule seulement, on dit si vous ne le mettez pas, vu la cour d'argent. C'est le seul mot qui a empêché que ceux qui calculaient puissent donc voter la constitution. Et ces calculs politiciens aujourd'hui. Encore que lorsque vous vous référez à une loi ou une constitution, vous ne dites pas me référer au préambule. Vous dites je me réfère à tel. On serait peut-être entré dans les différents détails. Aujourd'hui, notre émission se concentre justement sur cette opportunité de modifier ou pas la constitution. Vous qui avez participé sur le terrain dans les travaux de correct des différents points de vue de la population, aujourd'hui, que dit la population? À quel pourcentage la population s'est-il exprimée en faveur de la modification de la constitution? Je pourrais commencer d'abord par les chiffres. Ouais. Je les cite tels que, je ne veux pas dire de citer de mémoire, parce que j'ai le rapport de la commission. Voilà. C'était la première grande question qui concernait, et donc la première partie, parce que nous avons le 5. Dans la première partie, les questions ou les propositions concernant certains articles de la Constitution. Alors, 1. Ce qui concerne les mandats présidentiels, c'est qui ont dit que ces mandats causent des problèmes, qu'il faut de nouveau lever cela. C'est 7309, et pour ceux qui ont dit que ça devait rester comme tel, parce que ça procède de la démocratie, c'est 2128. Vous m'avez posé des questions sur les chiffres, j'y réponds, mais de manière générale. Sur quel échantillon, s'il vous plaît? L'échantillon, c'est 27000 personnes. Mais ça, c'est. Nous avons pris cet échantillon au niveau de l'ensemble de toutes les communes, donc 119 communes du pays, parce que là, nous avons pris un échantillon qui permettait que nous puissions dire, pour chaque commune, étant donné les 15 groupes que nous avions sélectionnés, il y aurait 250 invités, 250 pour chaque commune. Donc, si nous avions confectionné un échantillon qui permette de nous rapprocher des conditions, des critères pour qu'une enquête sociologique, une enquête d'opinion comme celle-là, réponde justement aux critères scientifiques. Mais avant cela, nous avons eu des réunions au niveau provincial, au niveau national même, mais c'était pour préparer pour arriver à ce que nous fixions 250 fois communes, parce que ce sont les mêmes groupes qu'on retrouvait à l'OLAO. Mais nous n'allons pas dans ces détails, la technique, et ça sera un peu rébarbatif pour que nous apprenions, sauf le spécialiste. Mais de manière générale, ceux qui ont dit que ces mandats causent des problèmes, qu'il faut de nouveau lever cela, c'est 7309. Et pour ceux qui ont dit que ça devait rester comme tel, parce que ça procède de la démocratie, c'est 2128. Donc vous disiez que si l'échantillon de 27309 se sont exprimés en faveur de la modification de la constitution et surtout en faveur aussi de la modification de la limitation des mandats présidentiels. Honorable Agathon Gwassa, vous êtes représentant du peuple, vous avez participé à ces différentes assises de la Commission nationale du dialogue inter-burundais. Aujourd'hui, où se situe l'impératif de la modification de la Constitution et comment procéder, s'il vous plaît? Bon, parler de l'impératif, c'est peut-être parler du degré de cet impératif-là. Parce que la Constitution elle-même, dans son article 299, prévoit une ouverture dans ce sens. Donc, le caractère impérieux quant au changement ou aux modifications à opérer au sein de la Constitution, c'est un mécanisme qui est contenu dans la Constitution elle-même. Maintenant, donc, il n'y a pas de problème qu'aujourd'hui, on s'assied et qu'on décide de changer la Constitution. Non, vous y allez trop vite, peut-être. Oui. Ce qui importe, c'est quoi? C'est plutôt voir l'opportunité de changer ou de modifier la Constitution. Et surtout, le mobile qui anime les modifications. C'est là où moi je trouve que c'est là où on devrait passer le débat. Et d'après vous, honorable, quels sont ces mobiles qui motivent aujourd'hui la modification de la Constitution? Est-ce que c'est un impératif? Non, je n'irai pas tabler sur les rumeurs qui se disent autour de cette question de changement de la Constitution. Mais toutefois, si je dois faire un tout petit peu retour sur la question initiale que vous avez posée, c'est que on cherche à modifier la Constitution, mais dans l'entretemps, il y a un processus de dialogue qui est en cours, et aussi, il n'y a pas eu de débat à proprement parler sur ce thème de la révision de la Constitution. Mais de débat, il y en a eu parce que le peuple s'est exprimé en faveur de la modification de la Constitution. Le peuple peut s'être exprimé. Mais peut-être si on regardait la question qui était posée, on dirait que quelque part, ça serait une sorte de coq à l'âne, puisque c'était qu'est-ce qui devrait être fait pour que le Burundi soit paisible. Pour que le Burundi soit paisible, il faut que certains articles de la Constitution qui ne cadrent pas avec les besoins du moment puissent changer. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais où est le focus maintenant? Oui, parce que c'est tout un débat qu'il faudrait faire. On devrait procéder, par exemple, à faire un état des lieux sur la situation économique, sur la situation politique, sur la situation sociale. Et là, ça inspirerait alors cette commission qui est chargée, justement, de procéder à identifier les amendements à opérer. Mais qu'à cela ne tienne, pour répondre à votre souci, une constitution, c'est un texte normatif qui est toujours sujet à révision. Mais chaque fois, et là je préviens, il faut éviter que les amendements ou les révisions éventuelles ou tout autre changement soit juste taillé sur mesure. Parce que le problème que l'on a, ce n'est pas la constitution en elle-même. C'est pas ça qui pose problème. Mais c'est peut-être comment nous interprétons les lois et comment nous les mettons en pratique. Oui. Parce que les problèmes actuels au Burundi, ce ne sont pas vraiment des problèmes constitutionnels. Non. Ce sont des problèmes d'une autre nature. Si on pouvait résoudre ces problèmes et si on pouvait prévoir, par exemple, dans les amendements à faire, comment éviter que ces problèmes se pérennisent, tant mieux. Si, par exemple, on ouvrait le débat, la classe politique, par exemple, s'exprimait sur la nécessité de changer la Constitution pour que cette classe politique puisse proposer elle aussi. Mais le débat est ouvert quand le président a déjà mis sur pied une commission dont Amizero Yabarundi fait partie comme une composante de la force politique au Burundi. Est-ce que c'est pas un débat qui est ouvert à travers cette commission? Non, je ne pense pas que ça, c'est comme ça que ça va se passer. Mais là, on vous dit les défis qu'il y a. Oui, parce que on a par exemple une constitution qui est consécutive à des accords qui ont été conclus entre Burundais. Est-ce que ces accords ont été déjà évalués, par exemple? Ma réponse serait que non. Mais honorable Festus va peut-être nous dire par après que les Burundais ont demandé que les accords d'Arusha soient intégrés dans la constitution et qu'il n'y ait plus une constitution qui se réfère à d'autres lois. Peut-être c'est honorable Festus qui va nous dire. Non, si la constitution doit intégrer les accords d'Arusha, tant mieux si on se comprend dans son sens. Mais le monseigneur président de la commission a indiqué que parmi les souhaits de la population figurent également la suppression de l'article qui parle de limitation de mandat. Là, moi, personnellement, mon opinion est contraire à ça. Parce que là, méfiez-vous, une fois, je me suis, permettez-moi de le dire ainsi, je me suis invité dans une session quelque part. Et j'ai suivi les interventions de certains. Quelqu'un, il vient, il vous dit qu'il faut abolir les mandats. Et il essaie d'élaborer, il vous dit, pour le premier mandat, on élit le président. Pour le deuxième mandat, on l'élit encore. Mais si on est satisfait de sa prestation, on peut toujours l'élire indéfiniment. Est-ce que honorable, donc, c'est pas vrai qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne? Non, à ce moment-là, c'est une thèse et une antithèse en même temps. Et il n'y a pas de synthèse. Au départ, vous dites qu'il faut abolir les mandats. Pour expliquer votre thèse, vous expliquez par le point de départ, ça doit être des mandats encore. Mm-hmm. Pour finir sur des non-mandats. Alors, ça, c'est une dialectique qui n'en est pas une. Mm-hmm. Et là, on peut soupçonner une certaine manipulation. Mm-hmm. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas les mandats. Mm-hmm. Mais le problème, c'est peut-être la gouvernance. Mm-hmm. Maintenant, et cette constitution va s'inscrire justement dans le modèle de bonne gouvernance qui a été l'aspiration du peuple oui, qui s'est exprimé oui, à travers la CNDI. Oui, donc, la constitution peut élaborer sur ce chapitre de la bonne gouvernance, par mmh. exemple. Mmh. Par rapport aux limitations des mandats, mmh. là, on revient à la case départ. Mmh. À Arusha, je n'y étais pas. Festus y était, je pense. Mmh. Ils se sont convenus que, vu la tragédie que l'on avait vécue dans le passé, mmh. ils se sont convenus que l'une des sources de la violence était justement cette façon de vouloir se pérenniser au pouvoir. Mmh. D'où que, ils ont dit, puisque nous voulons un pouvoir démocratique, mmh. on y va par des élections, mmh. et ça pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'article 96 était suffisant à lui-même. Mm-hmm. Sauf que, avec l'article 302, taillé sur mesure, comme l'article 129, comme tant d'autres articles que l'on peut desserrer au sein de cette constitution-là, cet article-là, taillé sur mesure, est venu un peu ajouter quelque chose dans la sauce. Mm-hmm. Ce qui a animé la confusion en 2015, mm-hmm. Et peut-être maintenant par ricochet, on peut dire ah parce que ceci est advenu telle période, mm-hmm. abolissons les mandats. Mm-hmm. Mais pour autant, en abolissant les mandats, si on ne résout pas la question de la gouvernance, mm-hmm. Bienvenue alors le gâchis. Ce sont les tentations de coup d'État qui va surgir. Mm-hmm. Mais si on sait qu'on a deux mandats à servir, mm-hmm. et surtout pourquoi ne pas servir deux mandats? Et puis, vous allez au Sénat, c'est ce qui est écrit aujourd'hui parce qu'on n'a pas une nouvelle constitution. Mm-hmm. Après 5 ans, vous revenez comme candidat. Il n'y a aucun problème. Mais chercher à s'éterniser dans le fauteuil présidentiel lorsque les choses tournent mal. Mais lorsque c'est le peuple qui est souverain dans un état démocratique et qui demande que la suppression des mandats, on se limite à la volonté du peuple. Faustine Koumana, il y a Madame Evelyne Nigaba qui disait que le peuple est souverain et qu'il peut modifier la constitution. Monsieur Festus Nhanyungu nous disait que le peuple s'est exprimé en son sens, mais également qu'il y a d'autres questions socio-économiques, politiques, qui obligent que la constitution puisse être amendée aujourd'hui. Agathon Rwasa n'aura pas dit peut-être le contraire, sauf qu'il a dit qu'il ne faut pas que la constitution soit modifiée dans le but de le cadrer avec des intérêts individuels et égoïstes, si j'ai bien compris. Qu'en dites-vous au sein de la société civile, au sein du PARCEL? Merci de m'accorder la parole. D'abord, la modification de la constitution aujourd'hui, ce que je dois rappeler, ce que je dois rappeler à mon régime, c'est de savoir que la constitution burundaise est une constitution sociale. Ce n'est pas une constitution à l'instar d'autres constitutions africaines ou à pouvoir quelconque. Le Burundi est un pays spécial, avec une constitution spéciale. Je dis que la constitution burundaise, la constitution actuellement que nous avons, une constitution spéciale, je dis du moins par rapport aux autres constitutions, comment ils sont élaborés. C'est une constitution qui marque la renaissance du pays, mm-hmm. parce qu'elle a été obtenue à partir d'un accord mm-hmm. qui a cimenté la réconciliation dans notre pays. Mm-hmm. Vous savez que le Burundi a connu beaucoup de cycles de violence, mm-hmm. un passé sombre et lourd. À mm-hmm. un certain moment, les Burundais se sont convenus de s'asseoir pour régler son problème. Mm-hmm. Ils ont abouti à un accord de réconciliation nationale, en l'occurrence, l'accord de paix d'Arusha. Mm-hmm. Cet accord de paix d'Arusha a beaucoup de titres, beaucoup de chapitres. Mm-hmm. Il y a un chapitre qui a été exclusivement réservé à ce qu'on appelle les dispositions constitutionnelles pour ces transitions. Ça veut dire que les Burundais se sont convenus justement de ce qui doit être mis dans les lois fondamentales. Mm-hmm. Vous savez l'importance de la constitution et ils se sont convenus qu'est-ce qui doit être mis dans ces lois fondamentales pour que justement cette loi continue à garantir la cohésion, la réconciliation, la démocratie, la liberté citoyenne. Ça, c'est une question très, très, très, très fondamental. Mm-hmm. Et quand on lit nos relations à Fort d'Arusha et à la Constitution, justement, c'est la Fort d'Arusha qui était la référence pour la Constitution. Et personne ne peut nier ça. Et puis, il en est maintenant de l'efficace. Oui, toutefois, peut être modifié. Même dans la Constitution, on prévoit que la Constitution peut être modifiée. Et même on dit que l'initiative de la Constitution peut émaner du président de la République, mais avec tous les mécanismes, processus qui doivent être respectés. Et ce qui est fondamental de cette modification, c'est justement, voici l'initiative même, l'esprit de pouvoir de cette Constitution, soit vraiment l'esprit qui sauvegarde l'intérêt général. Parce qu'on a pu voir dans le passé, même avant la Constitution actuelle, des gens qui ont pu inclure, qui ont essayé de glisser des articles, cahier sur mesure pour permettre à assouvir peut-être leurs ambitions personnelles. C'est ce qu'on veut prohiber par rapport à toute initiative de la Constitution. Mais c'est pour cela, alors, je continue. Je dis alors, maintenant, comme justement on a voulu et que cette initiative de la Constitution émane d'un certain débat populaire. Ça, c'est tout à fait normal. On a dit qu'il y a eu tenu d'un dialogue intérieur qui était par CDI, dont le secrétaire exécutif. Parmi ces conclusions, moi, j'ai vu qu'à partir du projet du CDI, que plus peut-être les préoccupations citoyennes sont liées à d'autres défis, notamment l'économie. L'économie, la pauvreté qui alimente l'instabilité politique, les questions de justice, des droits de l'homme, de séparation de pouvoir, de justice indépendante. C'est une évidence à travers les conclusions de la CEDEAO. Et c'est normal aujourd'hui donc que le gouvernement puisse mettre sur pied une commission justement pour que toutes ces propositions de la proposition puissent intégrer dans la loi. J'en viens à l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes en contexte de crise politique. Où les gens sont en train de débattre sur l'affirmissement de leur pays. Et la Constitution, c'est l'un des éléments qui influence l'avenir de notre pays. Le contexte de notre pays. Alors, puisque un dialogue est déjà fait, il y a le CDI justement, il y a un dialogue à l'extérieur, il y a d'autres initiatives. C'est pour cela qu'on dit que pour que les contributions allant à modifier cette condition, soit beaucoup plus riche, soit beaucoup plus enrichi, on devrait justement étendre ce débat pour avoir des propositions beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus contribuantes par rapport à ce qu'on veut. Et c'est dans cette optique que le gouvernement a mis en place une commission pluraliste dont toutes les parties. Quand on dit pluraliste, il faut y mettre aussi bien les forces vives. Oui, les forces vives. Il y a même. Il y a la société civile qui est représentée, il y a les différentes parties politiques qui sont représentées. Est-ce que cela n'est. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'aujourd'hui. Différentes courants qui sont menés dans ce pays sont formés. Il y a l'opposition extra-parlementaire, il y a les réfugiés, les forces vives, il y a les tendances. Il faut au maximum essayer de réunir beaucoup. Est-ce qu'il est opportun que la commission de modification de constitution soit mise sur pied? Si le président fait cette initiative, ça ne me dérange pas. L'essentiel, cette commission va tenir compte de quoi? Parce qu'il faut justement avoir une base élargie des gens qui doivent contribuer. Je donne un exemple. Très récemment, l'ombudsman a organisé un dialogue à Kayana. Il y avait un spécifique. Les confessions religieuses, les partenaires politiques, les partis politiques, les principaux qui préalent. Et le débat était assez intéressant parce qu'on parlait de liberté publique, on parlait de fonction du parti politique. Et là-bas, on a pu voir que c'est un débat quand même qui commence à. C'est un débat qui a le terrain. Je continue. Ça montre que même des cadres qui peuvent permettre à mûrir la contribution des forces vives à la modification de la Constitution ne sont pas affectées. Il y a une commission qui a été mise sur pied qui pourra intégrer les différentes propositions qui viennent d'un côté et de l'autre. Mais la question était de savoir également, il y a, lors de la présentation, Mgr Justin Ndayisaba, qui est le président de la commission, a dit que parmi les préoccupations du peuple qui se sont exprimées, il y avait aussi la l'éradication de la suppression des mandats présidentiels, de l'article qui parle de la suppression des mandats présidentiels dans la Constitution. Qu'en dites-vous? Bon, oui. À ce niveau, d'abord, j'ai constaté que la conclusion disait, et la majorité de ceux qui se sont exprimés ont parlé qu'il faut enlever les stades de limitation de mandat présidentiel, mais qu'il y avait une autre opinion non négligeable qui était pour le maintien de la limitation des mandats. Dans ce sens, on revient à l'esprit, quand on était à Arusha, quel est l'esprit qui avait motivé la limitation des mandats? C'était justement, on avait constaté que le problème est Burundi. Parmi les raisons profondes du problème Burundi, il y avait la lutte entre la classe politique, de prendre le pouvoir ou de se maintenir. On avait voulu alors prendre des mesures allant dans le sens de l'équité de prendre le pouvoir. Je me souviens même, quand, après de la Cour d'Arusha, dans nos assemblées de limitation de ces mandats, je crois, on avait dit que, par exemple, les présidents qui avaient piloté, qui avaient présidé la transition, n'étaient pas éligibles, n'est-ce pas? C'était. Et même, il y a eu des tentatives à l'époque, de la part de ceux qui venaient à l'époque, de vouloir justement se mettre à l'écart, donc de vouloir se positionner pour être candidat. Il s'est assisté à Antoine à l'époque. Donc, pour Faustin Ndikumana. Je vous dis, à l'époque même, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui étaient dans l'opposition à l'époque, aussi disaient non, arrêtez, la Cour d'Arusha est assez claire, vous n'êtes pas éligible. Et dans, à l'époque, on brandissait la Cour d'Arusha. Pour Faustin Ndikumana, donc, que la modification de la Constitution puisse être faite, ce n'est pas un problème. Le problème est qu'elle soit faite avec toutes les idées provenant de tous les côtés. Par exemple, on a puni les États-Unis de la justice en 2013. Donc, il faut que les clauses de ces États généraux figurent dans la Constitution. Donc, il est opportun de... Laisse-moi conclure. À travers les conclusions des États généraux de la justice, on avait constaté qu'il y avait... Des lois qui, actuellement qui empêchent le renforcement de l'indépendance de la magistrature. Des clauses constitutionnelles qui empêchent le renforcement de l'indépendance de la magistrature. Ça introduit une modification. Au niveau de la lutte contre la corruption, on a pu constater qu'il y a une impunité qui s'installe à haut du sommet quand certains cadres de l'État bénéficient. Donc, modifier la Constitution, ce n'est pas un problème. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ici au plateau avec l'honorable Agathon Rwasa. Mosaïque. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec l'honorable Agathon Rwasa, qui est le président de la coalition Amizoya Barundi. Nous sommes également avec l'honorable Festus Ntanyungu, qui était secrétaire exécutif de la commission nationale du dialogue inter-burundais. Nous sommes sur ce plateau avec madame Evelyne Maniragaba, conseillère à la première vice-présidence chargée des questions politiques et diplomatiques. Madame, vous avez compris les points de vue des uns des autres. On est d'accord à la modification de la Constitution. Mais si le président, justement, s'est basé sur ce rapport de la Commission nationale de dialogue inter-burundais pour mettre sur pied cette commission, quelle sera la place et l'importance des résultats du dialogue piloté par la facilitation sous-régionale? Et avant de répondre, j'aimerais faire un petit commentaire sur... ce que vient de dire, pas tout ce qu'il vient de dire, mais une partie de ce que vient de dire mon confrère ici, du PARSEM. Il a parlé du dialogue qui avait été organisé par l'Ombudsman à Kayanza la semaine dernière, ça fait pas longtemps. Il parle de ce dialogue, il parle d'autres dialogues aussi qui pourraient y avoir lieu, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qu'on devrait prendre en considération tout ce qui vient de tous ces dialogues pour finalement pouvoir amender la Constitution. Ce que j'aimerais dire, c'est que le dialogue que l'Ombudsman avait organisé à l'intention des leaders des partis politiques, c'était d'ailleurs un café politique, je dirais, plus qu'un dialogue. C'est un processus qui va continuer parce que les politiciens doivent être capables de s'asseoir ensemble et de se parler. Ce n'est pas seulement maintenant. Ou demain. Ça devrait être une pratique régulière chez nous ici au Burundi. Parce que ça permet que les gens puissent échanger, se sortir ensemble, et qu'ils puissent échanger, puis faire sur des questions qui les intéressent. Ça, c'est quelque chose qui est salué, et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas arrêter. Parce que c'est comme si, pour lui, le dialogue ou les échanges, c'est seulement une période de conflit. Ça devrait continuer, être une pratique, même après les élections. Même s'il n'y a pas de conflit, s'asseoir ensemble, échanger. Ça permet aussi de prévenir, de savoir ce que les autres pensent et de prévenir certains problèmes. Donc, qu'on attende que ce dialogue-là ou autre dialogue soit fini pour pouvoir changer la constitution. Moi, ma position, c'est comme la première, c'est que le peuple burundais, il s'exprime. À l'heure actuelle, si vous allez voir le peuple burundais, là où ils sont dans les champs, parce que quand on parle du peuple burundais, certains pensent aux politiciens, à la classe politique. Mais nous savons que plus de 80% des Burundais, c'est des agriculteurs, c'est les éleveurs dans les collines. Aujourd'hui, si vous allez leur parler, leur problème, ce n'est pas le mandat. Leur problème, c'est des problèmes d'ordre économique. Les emplois, les conditions climatiques qui ont changé puis qui ont fait que les récoltes n'ont pas été bonnes. Si le mandat n'est pas le problème, cela veut dire que le président fait autant de mandats qu'il veut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le problème principal de notre peuple aujourd'hui, c'est d'ordre économique, purement économique. Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension politique dans les problèmes qui minent le pays? Moi, je dis ça par rapport au commentaire justement de mon confrère qui disait que quand ils avaient établi les accords d'Arusha dans le passé, en, je ne sais pas dans quelle année, en 2000 ou avant ça, que les problèmes qu'ils avaient remarqués, des problèmes qui causaient les conflits chez nous, c'était des problèmes de prendre le pouvoir, peut-être à perpétuité pour certains. Donc le problème n'est plus posé. Maintenant, ce n'est plus le problème que nous avons. Le peuple burundais a un problème économique. Les problèmes d'eau, d'électricité, les problèmes de soins de santé, des choses comme ça. Et ça, on s'entend là-dessus. Alors politique. Maintenant, pour ce qui est de la question que vous m'avez posée, si le peuple burundais aujourd'hui dit « nous ne voulons pas de notre président », moi, maintenant, je vais être direct. Nous ne voulons plus de notre président. Nous voulons notre président pour une raison ou une autre. C'est le peuple burundais qui décide. C'est le peuple burundais qui a le dernier mot. Et nous avons le mécanisme pour avoir l'opinion du peuple burundais. C'est les élections. C'est clair. C'est les élections, c'est les référendums. Le peuple burundais a une plateforme pour s'exprimer au Burundi. Ils ont organisé la CNDI, ils ont organisé. Ils pourraient faire les référendums et savoir ce que le peuple en pense. Si, pour une raison, le peuple dise « nous ne voulons plus de mandat, laissez-nous avec ces problèmes », alors que la volonté du peuple soit suivie, c'est ça. Sinon, le reste de calcul des politiciens qui en tirent quoi, ça c'est purement politique. Est-ce que madame, ce ne serait pas de se tromper si on parle aujourd'hui que nous avons dépassé la dimension des problèmes politiques au Burundi, que les seuls problèmes qui existent, existent au niveau économique? Je n'ai pas dit que le seul problème est économique, j'ai dit le grand problème. Si on essaie de placer sur les niveaux, je dirais niveau 1, donc, économie. Si on résout, pour moi, je ne mettrais pas niveau 1 politique. Si les problèmes économiques sont résolus, la dimension politique est négligeable et ne peut pas causer de problème. Elle n'est pas négligeable, mais je vous dirais que si les problèmes économiques sont réglés, le reste serait facile à régler aussi. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois pas de problème politique. Le Burundi est-ce qu'il n'y a pas de problème politique quand certains politiciens sont à l'extérieur du pays, quand ils craignent pour leur sécurité une fois au pays? Est-ce qu'il n'y a pas de problème quand certaines organisations de la société civile et d'autres Burundais, un nombre important de Burundais se trouvent à l'étranger? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce point? À un moment donné, il y a eu un problème. Il y a eu une crise, il y a eu un problème, il y a eu des réfugiés. Et c'est vraiment déplorable ce qui s'est passé chez nous. C'est un cycle qui doit s'arrêter. À un moment donné, il faut que ça cesse. Parce que on remarque que depuis l'histoire du Burundi, on traverse de telles crises. Il y a eu une crise à une certaine époque, mais au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas de crise. Le facilitateur Mukapa, la dernière fois qu'il était ici, il a été clair. Il a dit que pour ceux qui parlent encore de légitimité du président ou des mandats, que il avait utilisé un mot un peu plus dur. Il avait dit que c'est des fous, mais pour dire que ce n'est plus un problème qui se pose. Mais nous avons un gouvernement, nous avons des institutions qui fonctionnent, nous avons des défis économiques. Ça, c'est vrai. Nous avons le dialogue aussi qui se passe, comme vous l'aviez dit, à Arusha. C'est vrai. Mm-hmm. Et personne ne dit ne parlez pas. Continuez à dialoguer. Mais le peuple burundais et le pays doivent continuer à fonctionner. Mais que cela n'empêche pas le Burundi d'avancer dans la modification et dans la constitution du pays. Dans tout. Cela n'empêche pas le Burundi d'avancer dans tout. Parce que la vie des Burundais et l'organisation du pays, c'est un problème qui se passe ici. Donc leurs contributions ne sont pas aussi du poids à tel point qu'ils puissent être attendus. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Uh-huh. Ce que j'ai dit, c'est qu'on accepte les contributions de chacun dans le monde, même des étrangers. Mais ce ne sont pas des impératifs pour que la constitution soit modifiée. Ce que je dis, c'est que la vie du pays, la vie du pays, que les gens puissent aller au travail, que les gens, les médecins puissent soigner les gens, que la vie du pays ne puisse pas s'arrêter à cause de ces choses. Festus Nhanyungu, vous étiez parmi ceux qui ont collecté les points de vue de la population. Aujourd'hui, la modification de la constitution, au moment où le dialogue externe suit son cours, comment justement, quelle sera la place des contributions des Burundais de l'étranger et quelle sera la place du dialogue inter-burundais qui se déroule à l'extérieur du pays? Je voudrais ici donner une information à la question des quotas a été adoptée par Arusha, donc l'accord d'Arusha, dans le sens que j'ai déjà dit, concernant l'arrêt de la guerre. La question s'était prise comme ethnique. Rappelez-vous qu'il y avait G7 et G10. G10, c'était un groupe considéré comme de Tutsis. Et le G7, c'était considéré comme de Hutus. Alors, les quotas, justement, c'était pour dire les deux groupes vont se retrouver dans le gouvernement. Mais ce n'est pas uniquement les Tutsis qui se trouvent à l'extérieur du pays, les seuls qui participent dans le dialogue externe. Je vais arriver là. Ici, je disais, c'est une parenthèse, je voulais seulement évoquer cette question, puisque je suis avec lui, peut-être qu'il pourra en dire quelque chose, pour dire quoi. Alors, au niveau de la constitution, il était prévu que justement, les quotas, à un moment donné, pourront être supprimés. Comment ? Par le Sénat. C'est le Sénat qui a cette mission de voir si le moment est venu pour supprimer. Oui, nous verrons à notre question. Oui, voilà. Ça va avec ça. Parce qu'il a parlé des principes constitutionnels qui vont avec ça, de la période de post-transition, pour dire qu'en fait, la démocratie consensuelle devrait rester comme ça. Non, c'était provisoire. Parce que c'était une étape si on devait traverser. Mais aujourd'hui, à un moment donné, on dirait que les Burundais devaient se retrouver ensemble, se reconnaître comme Burundais, non pas comme Hutu. Oui, une évaluation des accords d'Arusha qui n'a pas été faite. Exactement. Honorable. Mais aujourd'hui, quelle sera donc la place des clauses qui sortiront du dialogue inter-burundais de l'extérieur du pays, sous l'égide de la médiation sous-régionale? Je vous dis une chose. Pour peu que je connaisse la gouvernance des pays et les lois dans les pays, les constitutions, un pays se gouverne par ses lois. Un pays qui décide, c'est la gouvernance du moment. C'est le gouvernement qui est là. Aujourd'hui, comme demain, nous aurons un gouvernement. S'il faut modifier une constitution, s'il faut modifier une loi, on se réfère. Et vous avez recueilli les propositions de la population dans toutes ces dimensions et la population qui est à l'extérieur du pays ne doit-elle pas contribuer dans la modification de la constitution? Je vais dire ceci. Quand il y a un gouvernement, en attendant qu'il y ait un autre qui le remplace, met en place le mécanisme pour modifier les constitutions. Vous n'allez pas me dire ça se fait comment. Mais ça se fait de la manière qu'un gouvernement gouverne, c'est tout. Vous n'allez pas me dire on doit aller à Arusha pour faire ça. Non. On doit aller à Ujumbura, on doit aller à Gitega, on doit aller à Changuzo et n'importe où, dans le pays. Oh, justement, c'est là que ça doit se modifier dans le pays. C'est justement parce que vous avez recueilli les différentes propositions des différents. C'est là que nous avons été chercher les avis en menant une enquête. Vous les avez menés, vous les avez également rencontrés, les Burundais de la diaspora. C'est-à-dire que je vais dire que ceux qui sont à l'extérieur n'ont rien à dire, ne doivent pas s'exprimer, c'est un mandat. Et quelle sera donc la place? Et quelle sera, honorable, s'il vous plaît, honorable, si vous laissez d'évoluer, parlez-nous dans des mots concrets. Quelle sera la place des propositions qui émaneraient des dialogues externes sous l'égide de la médiation sous-régionale dans la nouvelle constitution, si elle est modifiée demain? Il est même très difficile de dire qu'il y a un dialogue à l'extérieur. Donc, Arusha, pour vous, ce n'est rien. Moi, je n'ai pas peur de vous dire ce que je considère comme la vérité. Alors, ça pour vous, c'est rien. Moi, j'y étais déjà. Dites-moi qui, avec qui j'ai parlé. J'ai dialogué comme vous. Nous nous regardions comme des chiens. On aura compris. Je termine cette question en disant qu'on nous dise les gens qui sont expatriés sont des Burundais. Le pays doit tenir compte de ces gens, comme il tient compte de ceux qui sont à l'intérieur, c'est normal. Mais ils ne mettaient pas sur nous un pied d'égalité. Ceux qui sont à l'extérieur et le pays entier qui est ici. Honorable Agathon Gwasa. Honorable Agathon Gwasa, votre confrère, le secrétaire exécutif de la CNDI, dans des termes clairs, dit que la place du dialogue externe n'est pas aussi importante à voir le nombre de Burundais qui se sont exprimés à l'intérieur du pays, si j'ai bien compris. Est-ce que pour vous, le dialogue sous l'égide de la facilitation sous-régionale, c'est du perte de temps? Et quelle sera la place si aujourd'hui on évolue avec la modification de la Constitution? Non, on ne perd pas du temps. On cherche plutôt à gagner du temps en résolvant la crise qui n'a que trop duré. Donc pour moi, le dialogue qui a lieu à Arusha, il peut tout aussi contribuer. De quelle manière, honorable? Les conclusions qui en sortiront, je ne les connais pas. Je serais peut-être sorcier si je pouvais dire que... Nous connaissons les conclusions qui sont sorties du dialogue interne aujourd'hui. Oui. Et la place, nous l'avons vu, de ces contributions des Burundais, parce que le président a mis sur pied, sur base de ses recommandations, a mis sur pied une commission. Et quelle sera la place donc de ces dirigés par... Nous sommes au mois de mai. Mukapa s'était fixé deadline mois de juin. Pratiquement, on a un mois devant nous. Je ne pense pas que la commission pour revoir la constitution sera à bout d'œuvre d'ici un mois. Il y a toujours moyen d'aménager une entrée des contributions de la part de cette facilitation-là, tout aussi. Donc, pour moi, Ces questions, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Parce qu'en Kirundi, on dit... C'est de grande importance ou d'importance légère. Bon, écoutez-moi. On ne peut pas juger de l'importance d'une idée qui n'est pas encore sortie. On serait sorcier en ce moment-là. Et ici, on n'est pas venu jouer à ce jeu. Tout ce que je peux dire, c'est recommander au gouvernement burundais, c'est recommandé à l'East African Community, c'est recommandé à cette facilitation-là, de joindre l'acte à la parole. Comme le dit Honorable Festus, jusqu'à présent à Arusha, il n'y a eu que des consultations, mais avoir la thématique qui a été identifiée, c'est un débat qui ne peut pas prendre beaucoup si les gens sont déterminés réellement à trouver des solutions pour l'intérêt de cette nation. Donc, vous êtes optimiste que avec le mois de juin, si tout le monde s'engage, que le gouvernement du Burundi s'engage, que tous ceux qui sont protagonistes, entre guillemets, tous ceux qui sont invités à Arusha, s'engagent à conclure ce dialogue-là, avec juin, c'est possible. Et leur contribution devrait être aussi prise en considération par cette commission. Par ailleurs, comme je l'ai dit d'ailleurs auparavant, cette commission à elle seule, à moins qu'elle veuille dire qu'elle va tricher, ne peut pas. Peut-être, je ne connais pas tout ce qui compose cette commission. Je ne pense pas que ce soit vraiment des constitutionnalistes érodés. Ils ont besoin de l'apport des spécialistes. Ils ont besoin d'être à l'écoute de toutes les couches. La CNDI, oui, a fait son travail. OK. Mais je dois vous dire, par exemple, que la classe politique, à proprement parler, n'a jamais mené de débat sur cette constitution. On peut dire que, oui, le rapport de la CNDI est là. Mais dans ce même rapport, il y a beaucoup. Il a dit qu'il y a 5 chapitres qui sont contenus là-bas. Est-ce qu'il y a eu un débat approfondi? Donc, aujourd'hui, que faut-il faire pour que l'amendement de la Constitution puisse rassurer tout le monde? Première chose, il faut éviter que les amendements s'opèrent de manière à ce que le résultat soit quelque chose de taillé sur mesure. Il faut chercher à ce que l'amendement de la Constitution génère un texte qui peut être viable pour des décennies, peut-être même des générations et des générations. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il y a un débat que je trouve qu'il n'en est pas un, le débat sur les mandats présidentiels. Le problème du Burundi, ce ne sont pas les mandats présidentiels. Donc, vous rejoignez la conseillère à la première vice-présidence. Le problème du Burundi, c'est ce que l'on fait des mandats. C'est la gestion. C'est la gouvernance. Donc honorable, le débat, pour moi, je dirais à ceux-là qui sont mandatés pour proposer les amendements, Oui, je leur dirai, l'article 96 se suffit amplement, vu la genèse de notre constitution actuelle. Mais également, ce qu'il faut faire... Je ne pense pas que c'est que la population, parce que la constitution doit... Je l'ai déjà dit, la population quelque part, elle peut être manipulée ou téléguidée. Ça peut se sentir dans les propos, ça peut se lire dans ici et là. Mais cela, c'est pas ça l'objet du débat aujourd'hui. Donc, je disais que pour moi, ce qui importe, ce n'est pas vraiment débattre de cette histoire de mandat. Laissez les mandats tels que définis, tels que convenus à Arusha. Deux mandats, ça suffit. On a la chance, si on a encore de l'énergie, on peut revenir après. Il n'y a pas de problème. On ne veut pas un président à vie dans ce pays. Ça ne nous servirait pas du tout. Plutôt, il faut voir comment réguler dans notre constitution, comment y mettre des mécanismes suffisants pour bien orienter l'action économique. Parce qu'il y en a qui ont dit que le problème économique, c'est ça notre problème réel. Donc c'est ça. Vous avez dit vous-même que c'est la misère dans les villages, c'est ceci, cela. Très bien. Alors, attirons-nous à trouver des mécanismes à travers nos lois, comment juguler cette misère. Et ce ne sont pas en gardant à vie nos présidents, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Oui. Et puis, autre chose, il y a les préoccupations majeures. On dit il n'y a pas de problème ici, mais il y en a, mes chers concitoyens. Il n'y a pas de problème politique, mais il y a des problèmes économiques. Il y en a trop grands. Mais vous avez une quarantaine de partis politiques. Combien fonctionnent réellement? Est-ce que ce n'est pas un problème? Mais de toute façon, voilà, il y a donc des problèmes sécuritaires, par exemple. Ça, c'est une préoccupation majeure. Il y a les problèmes économiques, c'est ça. Une nation sans économie, c'est une nation qui vivote. Comment, à travers nos lois, nous pouvons faire pour que l'économie se tienne debout, pour que l'activité et politique s'épanouissent? Parce que on ne doit pas aller dans les partis politiques juste pour chercher à moyen d'être embauché. On doit y aller pour contribuer à l'édification de la nation plutôt que d'aller faire le mercenariat en politique. Donc, ça, c'est ça qui devrait préoccuper. On a compris qu'il y a beaucoup plus de questions qui pourraient préoccuper pour vous sans toutefois toucher à la question des mandats présidentiels. Honorable Festus Nhanyungu, d'après vous, brièvement, parce que nous cheminons vers la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la constitution soit modifiée et dans l'intérêt de tout le monde? Quand on voit la population s'exprimer, du moins ceux qui étaient invités, on constate dans toute ce commune que ce que les gens veulent, le Burundi veulent, c'est d'avoir une constitution où on aurait retiré tous les articles qui ont fait qu'à un moment donné, ces articles soient la source des problèmes que nous avons. Comme par exemple en 2015. Après, c'est ce que les gens disent. Même les questions de mandat, c'est ce qu'ils disent. Cet article qui fait que nous avons eu ceci, il faut que ça ne soit plus dans la constitution. Cet article qui fait que ceci soit ceci, non, il faut arriver à ça. Vous comprenez ce que la population veut justement que nous ayons une constitution où il n'y a pas d'article contesté. Où il y a des articles qui sont concis, qui sont clairs. Où il n'y a pas d'article 96 avec l'article 302. Et vous avez recueilli tous ces points de vue de la population. Que faut-il faire concrètement pour que la constitution soit rassurante pour tout le monde? Nous en avons fait la recommandation, comme je vous le dis. La commission a recommandé que justement la constitution soit comme ça, que ce que j'étais en train de vous dire. C'est écrit dans le rapport. Là, c'est ce que la commission peut faire. Alors, pratiquement, les étapes qui sont déjà là, il y a une étape qui est déjà franchie vers justement l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est la mise en place de la commission qui est chargée de répertorier les articles à modifier. Cette commission étant en place, elle est effective et a commencé son travail. Et c'est légal. Ça, c'est comme la deuxième étape. Il faut qu'il y ait des contributions, notamment ceux qui se plaignent et qui ne sont pas dans le pays et qui n'ont pas pu venir à cause de l'insécurité, de tout ça, peuvent toujours aussi trouver un moyen de donner les contributions pour que la commission en tienne compte, ou que finalement, si ce n'est pas la commission, ça sera le Parlement qui en tienne compte. C'est de cette façon qu'on n'aura négligé personne, même celui qui n'est pas avec le pouvoir, mais les citoyens burundais, leurs droits sont supprimés, mais en respectant la loi. C'est-à-dire que la commission était d'ailleurs là. On continue, ça va au gouvernement et puis ça va au Parlement. Madame Evelyne Maniragaba, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que la constitution qui sera amendée soit porteuse d'espoir pour tout le monde? Merci pour cette question. C'est déjà fait. Une commission où tout le monde, je veux dire toutes les couches de notre société sont représentées, tous les partis politiques, société civile, ils sont tous partie de cette commission. Ils vont s'asseoir, ils vont travailler, faire le travail qui leur est demandé. Et à la finale, c'est le peuple burundais qui va avoir le dernier mot. Si le peuple burundais ne veut pas que l'amendement soit fait, eh bien, il se prononcera. Deuxièmement, j'aimerais dire que il y aura toujours des mécontents. Parce que déjà, j'ai entendu mon confrère honorable qui a dit que même la population peut être manipulée d'avance. Donc, on n'est même pas encore rendu au référendum, mais il y a des gens qui pensent que déjà, la population peut être manipulée. Donc, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer, qui ne veulent pas que les choses marchent. Mais c'est le peuple burundais qui va décider. Et quand il va s'agir de demander au peuple, ça ne sera pas nécessairement consensuel. Ça sera la majorité, c'est la décision de la majorité qui va l'emporter. Faustin Ndikumana à la société civile. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la constitution qui va sortir demain des modifications de la constitution puisse être une constitution qui rassure tout le monde? D'abord, le président a déjà mis sur pied une commission. Il s'agit de voir les modifications possibles de la Constitution. Ce n'est pas dans lequel la Constitution est reconnue. Mais deux, il faut voir que cette initiative de changer la Constitution, il faut l'orienter vers l'intérêt supérieur de la nation. Surtout à ce sujet-là, d'où est venue la Constitution que nous possédons aujourd'hui. Et j'en viens alors encore une fois à la petite baisse. Quand je l'ai évoqué, j'étais très content parce que M. Fissus, quand il a parlé, il a montré déjà que le débat est déjà là. Si déjà la tête descend de l'année, déjà ce qu'il a exprimé, ça montrait qu'un débat peut être riche. Par rapport à cet article, il a déjà commencé à dire est-ce que les quotas, est-ce que les aides peuvent les maintenir ou pas. C'est déjà un débat très riche. Donc pour dire que l'article 200 de l'année, c'est un article qui invite à chacun, et surtout au président de la République, garant des institutions, et à être prudent par rapport aux motivations des uns et des autres pour changer la politique. Quant à la question de l'imitation des mandats, l'esprit à chaque qui a motivé l'imitation des mandats, c'était pour justement renforcer cette bonne gouvernance. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre émission, votre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous étions en train de voir ensemble ce qu'il faut pour que l'amendement de la Constitution en perspective puisse être rassurant pour tous les Burundais. Nous disons un grand merci à nos quatre invités, à Madame Evelyne Maniragaba. Vous êtes conseillère à la première vice-présidence chargée de questions politiques et diplomatiques. On a compris avec vous que le peuple est souverain dans la direction de son pays et que rien ne pourrait empêcher que la Constitution puisse être modifiée dans l'intérêt général de la population. Je ne sais pas si j'ai été fidèle. Absolument. Merci beaucoup, madame, et bienvenue encore une fois sur le plateau de la radio Isanganiro. Nous étions également avec honorable Festus Nanyungu. Je rappelle que vous étiez secrétaire exécutif au sein de la Commission nationale du dialogue inter-burundais. Merci pour vos contributions. Nous avons compris qu'avec vous, les Burundais ont émis des souhaits différents dans plusieurs domaines qui doivent être tenus en compte pour que la commission chargée d'apporter des amendements de la Constitution puisse les utiliser. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, vous aurez également parlé que le dialogue externe ne peut pas empêcher les Burundais d'avancer et que, à mi-chemin, les différentes clauses qui deviendraient des contributions des uns des autres pourraient être intégrées dans la modification de la Constitution à différents stades. Merci, honorable Festus Nanyungu. Merci, honorable Agathon Rwasa. Je rappelle que vous êtes président de la coalition Amizero Y'Abarundi. Vous êtes également premier vice-président de l'Assemblée nationale. Avec vous, on aura compris que la modification de la Constitution, oui, mais qu'elle ne soit pas une Constitution taillée sur mesure pour servir des intérêts égoïstes des uns des autres. Honorable, est-ce que j'ai été fidèle? Oui. Très bien, merci honorable Agathon Rwasa. Merci pour votre participation dans cette émission. Merci aussi pour m'avoir invité. Nous étions également avec Faustin Ndikumana. Il est président du PARSEM. Avec vous, on aurait compris que vous avez recommandé la prudence par rapport aux motivations des uns et des autres dans la modification de la Constitution, parce que selon vous, la limitation des mandats présidentiels est venue justement pour renforcer la bonne gouvernance. Merci de nous avoir invités. Je dis un grand merci à Arida Ndaikeza qui était à la réalisation de cette émission. Je dis également un grand merci à Eric Ouimana qui a permis que les voix de nos participants ici sur ce plateau puissent vous atteindre là où vous êtes. Je dis un grand merci également à vous tous qui suivez l'émission, votre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Mosaïque. Charles Makoto, j'étais à la présentation. À la prochaine.